viendras si tu veux pour faire des quatre vents. Pour voir si les amoureux y viennent autant qu'avant. Sous le soleil la moins doux, je t'avais pris la main pour prendre notre route comme on choisit son destin. Je rejouerai si tu veux cet air que t'aimais tant. Les accords un peu trop vieux d'une valse à trois temps. Dans ton chandail bleu et blanc, toi, fermer les yeux, je chantais en regardant le vent dans tes cheveux. Comme c'est bien loin tout ça, on croirait presque c'est pas nous parfois. Mais la vie continue à couler sous les ponts que le temps a tendus. La vie est un jeu. On lance les dés, on défie le hasard, tout seul ou à deux. Si tu veux gagner, il ne faut pas rester sur la case départ. L'histoire de deux amoureux sur un écran géant. Moi, je ne regardais que l'ombre sur ton visage et tes grands yeux qui brillaient jusqu'à la dernière image. On se dira, si tu veux, les mots du bon vieux temps. S'inventait des jeux, on était des enfants. Et dans le torrent joyeux de tes éclats de rire, moi j'étais trop heureux pour chercher à grandir. Comme c'était beau tout ça, on dirait même que c'est pas vrai des fois. Mais la vie continue à couler sous les ponts que le temps a tendus. La vie est un jeu. On lance les dés, on défie le hasard, tout seul ou à deux. Si tu veux gagner, il ne faut pas rester sur la case départ. Personne ne veut d'une valse à trois temps. Mais tu vois, rien n'a changé, on est restés les mêmes, toujours à tout partager, à nous dire des je t'aime. Ça pourrait durer longtemps, je crois. Tant que la vie continue à couler sous les ponts que le temps a tendus. La vie est un jeu. On lance les dés, on défie le hasard, tout seul ou à deux. Si tu veux gagner, il ne faut pas rester. La vie est un jeu. Les dés, on défie le hasard, tout seul ou à deux. Si tu veux gagner, il ne faut pas rester sur la case.